Salut Charline. Alors, j'ai pris une grande décision. Parce que je suis très inquiète pour les dernières émissions. Il en reste 8. Ouais, puis c'est les vacances. Justement, je vais serrer la vis jusqu'au bout. Ça va, on peut faire une terrasse à midi. Non. Mathias Malzieux, c'est quelqu'un de très exigeant. Mais il est hyper sympa, il sera cool. Oui, parce que j'en ai assez des mots cool, sympa, tranquille, vacances. Pour encore 8 jours, c'est rigueur, sérieux, abnégation. Oh la barbe, attends, ça va. Mais tu m'as mis un coup de règle là. Ah bah c'est pour ton bien, tu me remercieras. Voilà. Mais... Les filles, pourquoi vous avez l'air d'avoir peur comme ça? Parce qu'on a peur. Écoutez, s'il faut en arriver là pour la qualité de notre travail. Moi je suis pas d'accord. Maintenant on trouve les sujets. Ah, il y a un sondage sur la torture. C'est quoi exactement ça? Eh bien, plus d'un Français sur deux est pour la torture. Non. Justement. Et plus d'un sur cinq se dit capable de torturer lui-même. Non, mais ça, je ne comprends pas. Mais qu'un individu puisse profiter de sa position pour terroriser d'autres gens. Mais moi, ça me débecte. Franchement, il faut avoir aucune humanité pour faire ça. Mais je pense qu'on est tous d'accord ici pour penser que parfois, toi-même. Quoi? Moi, je vous torture, moi? Mais oui! C'est là! Ça va vous calmer! Charline Faust, ce chalumeau! Mais oui, c'est le premier qui m'ouvre, il va regretter de m'avoir traité de tortionnaire. Non! Bonjour, la France Inter. Bonjour à tous! Vous écoutez l'émission qui fait un putsch sur l'actualité et voici les trois informations qui vont finir en exil à 18h. Pour sauver ce pays, il n'y a plus d'hommes providentiels, donc plus de candidats naturels. La gauche passera donc par une primaire et le président aussi, il le sait déjà, il l'a dit. Je crois que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, j'ai fait le maximum. À ce niveau-là où on en est, je crois qu'on peut dire à la grâce de Dieu et y aller. Depuis les attentats de novembre à Paris, un Français sur deux se déclare plutôt favorable à la torture pour avoir les moyens de faire parler les suspects. En tout cas, ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Le meilleur commentateur de foot, c'est la musique. Hier soir, la Philharmonie de Paris a accompagné un match de l'Euro avec deux orchestres. On sait combien les supporters sont des mélomanes. Voilà, oui c'est bon, merci. Je suis accompagné de celui qui voit la vie en diable rouge ce soir. Alors que ce midi, il était au rosé. Alex Vizorek. C'est excellent. Un peu tendu, je ne vous le cache pas. Et c'est pour ça que j'ai réuni une belle équipe aujourd'hui, 17h20. Si Deleuze revenait et écoutait les chroniques musicales de cette émission, il y aurait de bonnes chances pour qu'ils se disent « Mais je ne comprends plus rien de ce que je leur avais expliqué. » Et ça, c'est grâce à André Manoukian. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour tous les autres. De quoi on parle ? Eh bien, on va parler de notre invité. On va faire des détours par la cuisse de Jupiter, par Julie London, par les Torch Songs et par le dieu, un des dieux que je préfère et qui s'appelle Dionysos. Voilà, et tous les dieux vous aiment, André, sachez-le. À 17h30, il est jeune, il est beau, il est vif d'esprit, mais il est extrêmement casse-couille. La deuxième partie, je me suis reconnu. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et ben moi, je suis allé à la rencontre des Français ce matin pour parler torture et emprisonnement des suspects. Il me semble qu'il vaudrait mieux qu'il y ait plus de prisons, voire des centres de rétention. Mais oui, voire des établissements pénitentiaires, ma petite dame, tout ça. Et 17h40, un nouveau aujourd'hui. Charline voulait muscler l'émission en matière d'excellence journalistique. Elle a pris le must, l'élégance de Laurent Delahousse et la déontologie de Jean-Pierre Pernaut, le cofondateur du Gorafi et Techno. Bonjour Pablo Mira. Bonjour Alex, bonjour Charline. Aujourd'hui, on va parler de la manifestation contre la loi travail qui se tiendra demain. Et je vous dirai pourquoi mon cœur saigne. Attention. Allez, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Giscard. Vous créez le groupe Dionysos en 93 quand l'OM devient champion d'Europe de football. Vous sortez votre premier album Happening Songs en 96, l'année du film Pédale 12. Et après l'album et le roman, vous proposez Jack et la mécanique du cœur, le film, produit par Luc Besson en 2014, quand le cœur de Manuel Valls crie « J'aime l'entreprise !» face au MEDEF et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes. Un tout petit peu Mathias Malzieu. Voilà. Alors on va éclaircir ça tout de suite. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. un tout petit peu Mathias Malzieu, c'est-à-dire qu'il y a encore du Jack dedans. Il y a toujours un petit peu des mélanges. Et puis, c'est vrai que quand on parle à la radio, on a toujours l'impression qu'on est encore plus petit que d'habitude. Je sais pas si c'est la voix qui résonne dans le casque ou quoi. On se dit, oh, il y a plein de gens qui écoutent, donc je mesure 48 cm. On devrait maintenant là tout de suite. Mathias Malzieu qui entame une tournée entourée d'amis et de chanteurs de qualité, comme par exemple Philippe Catherine, Rover ou Alex Baupin. Mm-hmm. Ce sera une tournée jusqu'au 25 novembre à Roubaix, par exemple. Oui. Mais déjà, vous serez en concert avec Philippe Catherine le 27 juin aux Nuits de Fourvière à Lyon. Alors déjà, il y a une question qui nous brûle les lèvres. C'est comment les Nuits de Fourvière? Parce que nous, on devait y aller. Et puis, il y a eu grève et on a dû annuler, malheureusement. Donc, on salue tous nos auditeurs. Lyonnais, évidemment. Bah, c'est un des plus bel endroit de France pour faire un concert. Ah oui ? Nous, on y allait 5 fois et c'est vrai que c'est un rendez-vous extraordinaire parce que tu peux te comporter comme dans un théâtre. Tout le monde t'entend, tu peux même chanter sans micro, tout le monde t'entend. Et en même temps, il y a cette fosse qui permet l'énergie rock aussi. Donc c'est un écrin assez formidable. Alors, il faut rappeler à ceux qui ne sont pas lyonnais que c'est un théâtre antique. C'est un théâtre antique qui est sur la colline de Fourvière. On a une vue de dingue et un son de dingue. Et puis quand la nuit tombe, il y a un petit peu les arbres qui sont éclairés par en dessous, un peu violets comme ça. Enfin, c'est vraiment une ambiance un peu hors du temps, idéale pour essayer de faire un truc marrant. Oui, idéale pour votre univers aussi, j'imagine. André, vous voulez dire quelque chose ? Il y a des pierres qui ont la mémoire des sons de l'Antiquité, c'est-à-dire si on met son oreille contre une pierre, on peut entendre une tragédie de Sophocle, par exemple. Oui, encore. Il y a une tradition du lancement de coussins aussi. C'est-à-dire qu'il y a des coussins antiques, exactement, qui permettent d'avoir. C'est douloureux. Pas pendant des siècles mal aux fesses, notamment pour les spectateurs. Et quand ils sont contents, ils lancent un petit peu les sièges et ça fait des neiges de coussins comme ça, énormes. Et on distribue des petites pilules ou qu'est-ce qui se passe ? Non, on va parler de drogue, je pense. Prochain quart d'heure. Visiblement, il y en a dans le studio, mais je ne sais pas où elle est. Certainement dans la poche d'André Manouk. Mathias Malzieu, vous allez jouer le 27 juin aux Nuits de Fourvière à Lyon, donc, avec Philippe Catherine. Vous venez de deux galaxies qui paraissent comme ça éloignées ou du moins différentes parce qu'elles sont très, très, très singulières. Comment vous allez travailler pour chercher l'unisson entre vous ou est-ce que vous le cherchez pas peut-être? Bah, en fait, c'est déjà un plaisir parce que moi, j'aime beaucoup ces disques et j'aime le personnage. Et je suis curieux de le voir là avec juste une pianiste sur scène. Sur ce que j'ai vu sur les promos, là, il est super rigolo. Il avait le baby gros de sa copine la dernière fois que je l'ai vu. Le baby gros. Un baby gros, ouais, une espèce de pyjama avec des cerfs. Ah oui, c'est juste. C'est sur les pochettes. Et du coup, ça donne très très envie de le voir. Moi, je suis au-delà du baby gros de sa copine. J'aime beaucoup vraiment ses chansons. Je me suis retrouvé dans le train avec lui pour aller à Bourges la dernière fois. Et on a eu des discussions complètement surréalistes et douces. Et il est aussi adorable qu'il le paraît. Et qu'est-ce que vous cherchez à faire sortir de votre travail en commun, par exemple, lors de ce concert? Je pense que c'est le goût d'un certain surréalisme, de regarder les choses un peu de travers et de s'en amuser. Mm-hmm. Que ça soit sous l'angle parfois de la mélancolie ou parfois de l'humour ou du décalage, mais vraiment ce côté prendre la réalité, la transformer pour s'en amuser. Je pense qu'on a ça en commun, on le fait pas du tout de la même manière, mais on a cette façon de regarder les choses de travers, un petit peu, je crois, en commun. Le regard de travers, donc. Mais donc, les chanteurs ont le goût du partage, c'est-à-dire qu'on peut partager sa scène. Bien sûr, bah heureusement, ouais, c'est marrant. C'est marrant, c'est joyeux, je trouve. En plus, quand c'est avec Philippe Catherine ou des gens comme ça, ça fait des confréries de public qui sont un peu dans le même esprit. Même si, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas un style, mais du coup, c'est bien. C'est pas une chapelle, mais c'est un état d'esprit général. Moi, je suis content de pouvoir jouer plus avec Philippe Catherine qu'avec un groupe de death metal symphonique, par exemple. Citez des noms. Vous serez aussi le 8 juillet avec Rover à Albi au festival Pause Guitare et le 9 juillet, le lendemain, avec Alex Baupin à Autran au Vercors Music Festival. Et puis, il y a des dates en juillet, en novembre aussi. Eh bien, Mathias Malzieu est avec nous. Il sera en concert avec Philippe Catherine aussi, donc le 27 juin, aux Nuits de Fourvière à Lyon. Il est avec nous jusqu'à 18h. Ah, du death metal symphonique. In pocket, gunpowder. I'm gonna use it. Intention. Been diving, detour leaning, no visa, just seems so pleasing. got new skank. Sorry, got something. When can I tell? Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my side self, gonna use my fingers, gonna use my, my, my imagination. 'Cause I gonna make you see there's nobody else here, no one like me. Sur Nostalgie, avec les Pretenders, Brass in Pocket. J'espère que vous écoutez depuis votre cabriolet à 17h20, bien sûr, avant une spéciale Michel Sardou qui durera 2 heures. Et autour de la table, Alex. Eh bien, moi, c'est pour ça que j'ai re-signé, parce que la musique a évolué. Et autour de la table, nous avons André Manoukian qui se réjouit, Guillaume Meurice qui n'y connaît rien en musique, et Pablo Mira qui travaille car il a envie d'être au top. Je suis Alex. Ouais. C'est Mathias Malzieux est notre invité. Je rappelle aussi, votre dernier album s'appelle Vampire en pyjama. Et c'est aussi le titre de votre dernier livre, Journal d'un vampire en pyjama, paru chez Albin Michel. On revient vers vous dans quelques instants, mais avant, un petit point sur l'information. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Manifestation interdite à Paris, Nicolas Sarkozy dénonce une décision qui n'est pas raisonnable. Ah, c'est le même Nicolas Sarkozy qui en 2008 avait déclaré « Désormais, quand il y a grève en France, personne ne s'en aperçoit ». C'est lui. Lors d'une audition au Sénat, Vincent Bolloré a expliqué son plan pour Canal+. Ah, les sénateurs font des auditions. Ces gens feraient bien de passer les tests auditifs plutôt. Il y aura des brèves. Oui, des brèves, car il n'y a pas encore eu l'interdiction. Des brèves. Et on commence donc par la manif statique. Oui, devenue ensuite une manif interdite. Et redevenue une manif autorisée, mais c'est nous qu'on choisit le chemin. Voilà, chemin accepté par les syndicats. Oui, au début, Manuel Valls avait proposé le Vésinet Roy Malmaison. Mais ça, c'est GD a dit c'est non. Mais après, ils ont accepté une boucle Bastille-Bastille. Ce qui, lors de la conférence de presse des syndicats, des leaders syndicaux, a fait dire à une journaliste qu'il s'agissait en fait presque d'une manifestation statique. Et ça, Jean-Claude Maillet n'était pas content. Ah bon? Allez dire ça à l'unijambiste, vous verrez si c'est statique. Eh ben ouais, alors si vous êtes unijambiste, n'y allez pas demain, parce que c'est pas statique. Politique au Conseil régional d'Île-de-France, le Front National a voté un amendement par 21 voix. Alors que seulement 6 conseillers étaient présents. Oui, le FN a plaidé la fatigue. En tout cas, c'est intéressant de voir leurs compétences en calcul mental. Et ça relativise surtout leur programme économique. Effectivement, politique toujours. Maud Fontenoy, délégué à l'environnement pour Les Républicains, se dit déçu par Nicolas Hulot. Oui, Nicolas Hulot, défenseur de l'environnement, se dit déçu par Maud Fontenoy. Télévision. Oui, Vincent Bolloré, donc allé au Sénat pour être entendu sur sa gestion de Canal+. Et en réalité, Canal est redressé. Voilà, c'est la méthode François Hollande. Et pour terminer, il a utilisé la méthode Sarkozy de la métaphore incompréhensible. Vous savez, je viens de l'Ouest, là où l'huître sous le citron bouge. Enfin, il reste l'huître, comme vous savez. L'huître sous le citron bouge, le message est clair, Canal continuera à diffuser du porno. En tout cas, il y a toujours de la drogue à Canal, c'est sûr. Passons au sport avec l'Euro. Oui, on en parle partout, et comme l'équipe de France se débrouille bien, et bien certains opportunistes n'hésitent pas à utiliser l'image de l'équipe et de son entraîneur. Pour preuve, dans le jour du Seigneur, sur France 2, le père René Luc, de la paroisse étudiante de Montpellier, dans son prêche. En cette période de l'Euro, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Didier Deschamps? Vous le connaissez, mais est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Est-ce que vous avez parlé avec lui? Est-ce que vous avez pris un repas avec lui? Autrement dit, est-ce que c'est votre ami? Eh bien, il en est de même avec Jésus. Et oui, et bah, s'il y en a parfait. Qui finit cloué sur la croix, on saura pourquoi. C'est gênant. Oui. Passons au Brest. Oui, Strasbourg, il oublie de mettre ses lunettes et mange le savon offert pour la fête des pères. Eh oui, l'occasion de rappeler que c'est toujours très dangereux de faire des enfants. Et un petit cadeau pour terminer. Oui, un cadeau. On regarde du côté de la télé-réalité avec Aurélie, candidate à Moundir et les apprentis aventuriers. Je crois que c'est une de vos émissions préférées, justement, Mathias Malzieu. Et ils sont sur la plage, ils regardent la mer et elle dit... C'est l'océan méridien, là. Et ils n'ont pas de chance. C'est pas l'océan méridien, c'est, on dit déjà Méditerranée. C'est l'océan méridien, là. Et en fait, la Méditerranée, c'est pas un océan. C'est l'océan méridien, là. Et le plus drôle, c'est que quand elle dit ça, ils sont sur la plage en Thaïlande. Vous êtes bien sûr France Inter, il est 17h24, nous reprenons une activité normale avec notre invité Mathias Malzieu, que vous pourrez voir en concert avec Philippe Catherine le 27 juin aux Nuits de Fourvière à Lyon, notamment, car il y a des dates de tournée, notamment avec Rover aussi ou Alex Baupin. On va aborder le premier sujet avec vous. On va se marrer en janvier parce qu'il va y avoir une primaire à gauche. François Hollande devra s'y plier et pour l'instant, face à lui, il y a déjà... Marie-Noëlle Lindemann. Sinon, Alarmont et Montebourg comptent aussi se présenter, et l'écolo François de Rugy aussi. Alors lui, il est déjà dans le premier débat de la primaire, attention. J'avais tout bien préparé, j'avais fait mon CV. Dans la case loisirs, j'avais mis que j'aimais bien le kayak. J'avais jamais fait de kayak, mais j'aimais bien les mots qui se disent dans les deux sens. J'avais mis le costume que je mets au mariage, aux enterrements et aux entretiens d'embauche. À côté de moi, il y avait ce mec. Je l'ai trouvé bizarre. Il était trop propre sur lui. Je me suis dit que ça cachait quelque chose. J'ai regardé sa cravate, c'était une cravate dingo. Je me suis demandé si un jour il était vraiment entré dans une boutique et qu'il avait dit bonjour madame, je voudrais une cravate dingo parce que je suis un vrai déglingo. Ça m'a fait rigoler. Il m'a vu rigoler, mais je crois qu'il a cru que sa cravate était cool. Il m'a demandé quel était mon plus grand défaut. J'hésitais entre timide, maniaque, obsessionnel, lâche, dépressif, feignant, menteur. J'ai répondu perfectionniste. En fait, c'était menteur. Bref, c'était François de Rugy. Avec Ken Kojandi. J'ai oublié Gérard Filoche. Ils sont déjà nombreux. Plus de candidats qu'à la primaire de droite. C'est un peu, je lance le défi la gauche. Voilà. C'est un souhait aussi pour vous, Mathias Malzieu, qu'il y ait encore plus de candidats à la primaire à gauche. Bah, qu'il y en ait au moins un peu plus, oui. C'est vrai. Au moins un petit peu plus. Mais ils sont déjà. Un peu plus de 14. D'espoir et de choix et de. Et de désir. Ah oui, plus il y en a, plus il y a de fous. Bah, au moins, ouais, enfin, pour qu'on, je sais pas, on se remette à rêver un peu comme Jésus et Didier Deschamps. le citoyen Malzieu, est-ce qu'il donc voit d'un bon œil ce passage par des primaires avec plein de choix évidemment de candidats, oui. Puisqu'il n'y a plus de candidats naturels, d'hommes providentiels, avant de passer véritablement à l'élection présidentielle. Oui, je pense que ça. Enfin, je préfère en tout cas qu'il y ait ça plutôt qu'on nous impose. Une continuité qui n'est pas évidente, on le voit bien avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc, j'ai envie d'avoir de l'espoir sur quelqu'un qui va se révéler, qui va proposer quelque chose d'un petit peu excitant. Donc j'ai envie. Je ne suis pas. Vous avez envie d'avoir envie, quoi. Mais voilà, c'est mon côté Johnny Hallyday qui ressort. Ça, pas un moment. Ça vient comme ça. C'est 14 secondes par jour. J'ai un petit coup de Johnny Hallyday qui revient. Il y a un nom comme ça qui vous semble plausible de sortir du chapeau ou vous aimeriez que ce soit quelqu'un de. Jacques Cheminade. Ah, une tentative. Il fait une primaire à lui tout seul avec quelques martiens. Non, un Hulot, un Alexandre Jardin et ses zèbres. Je sais pas, c'est vrai que Philippe Catherine, j'aimerais bien. Voilà, voilà. Ça, c'est une proposition. Mais ça, c'est une bonne idée. Il a joué un président dans un film d'ailleurs. Oui, Qui s'appelle ? Je n'en on ai sait plus pas, aucune mais bien idée, sûr, mais oui. Peut-être bien le président. Philippe Catherine est président. Ouais, ça s'appelle certainement. Moi, je veux bien être son premier ministre. Moi, ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'on va au fond des choses. Hein. Sans doute que Philippe Catherine a fait un truc en président. Enfin, on l'a vu passer quelque part. Donc, ça doit être sûr. Le fait que François Hollande revienne dans l'arène, donc dans les primaires à gauche, et se retrouve face à Marie-Noëlle Lindemann ou à Gérard Filoche, qui est quand même le président qui doit repasser. C'est un petit peu comme, je sais pas, Joël Robuchon qui repasse dans les cuisines en train d'éplucher les patates, quand même, non ? Ça oblige à une certaine humilité aussi. Et puis il y a eu des difficultés. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, qu'on soit à gauche ou à droite. Donc finalement, je trouve que c'est une marque d'humilité qui est pas mal. Après, on verra ce qu'il propose, comment ça se passe. Vous voterez aux primaires, ça vous tente ? Ouais, ça me tente. Ouais. Ça me tente. Je sais pas du tout encore pour qui, sincèrement. Ouais. Mais en tout cas, ça m'intéresse. Et celle de la droite ? C'est de la droite. Bah là, j'ai piscine. Mais s'il était battu par Marie-Louise Lindemann, moi, je trouverais ça chou. Bah oui. Je vous le dis, je trouverais ça chou. Vous trouverez il fait son ça coming chou. Out, non, il est Marie-Louise Lindemann. Attention, alors le film, c'est Gaz de France. Comme ça, on donne les infos. Ah, voilà, on est là, vif. Mathias Malzieu, vous avez aussi une fibre écolo. Chez les écologistes, il y a aussi des gens qui vous tentent. En tout cas, là, il y a toute une démarche qui est en train de se mettre en route avec Fra de Chacaponc. Il est en train d'essayer de mettre tout un système entre plusieurs artistes pour qu'on essaye de faire un peu mieux sur nos tournées, de trouver des petites choses. Et sans justement vouloir donner de leçons ou quoi que ce soit, de juste savoir soi-même, chacun, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille un petit peu la moins mal. La tournée en skateboard, par exemple. Et ben moi, je me déplace beaucoup. Là, dans France Inter, c'était un petit peu trop loin. Enfin, Nostalgie, pardon. Mais d'habitude, c'est vrai que je voyage beaucoup en skateboard. Mais par contre, j'avoue que je mange un peu des nuggets aussi, donc je suis pas parfait. Et l'idée vraiment de ce truc-là, de cet engagement qui m'a touché chez les gens de Chaka Ponk, justement, que c'était pas de dire nous, on fait tout bien et on donne des leçons. C'est que chacun, à son niveau, avec sa façon, puisse essayer de faire un tout petit peu mieux, et l'un tout petit peu mieux de tout le monde pourrait peut-être améliorer grandement les choses. C'est ce que Gilles Deleuze appelait les micro-résistances. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire c'est important les détails. Un petit peu, et puis du coup, cette action microscopique, elle a un sens. Mais d'ailleurs, il mangeait pas de nuggets, Deleuze. Non, mais par contre, pas uniquement par boîte de trois. En fait, quand on est artiste, on a de la chance, parce que quoi qu'il nous arrive, à la fin, il nous reste des chansons. Cette fois-ci, Mathias Malzieu, à la fin heureuse du drame qui vous a touché, en plus des chansons, vous nous laissez un livre, Journal d'un vampire en pyjama. Et moi, je me pose des questions. Qu'est-ce qui déclenche l'écriture? Le meilleur déclencheur, c'est le trauma. Souvent, les plus belles chansons sont des chansons de rupture. Les Américains ont inventé un joli terme, les torch songs. Une torch song, c'est pas une chanson qu'on fait alors qu'on est torché, Alex. Non, ce n'est pas non plus une chanson qui nous enflamme lorsqu'on écoute. C'est une chanson d'amour cramé. Quand c'est fini, que c'est cuit, que c'est plié, que la femme de votre vie s'est déjà barrée avec l'autre, qu'elle a déjà checké le nouveau living chez Ikea, qui est exactement le même que celui qu'elle vous laisse. La spécialiste du genre, c'était Julie London. Cry Me a River, par exemple, c'est une torch song. La meuf, elle dit en substance à son mec qui revient, tu peux t'enfoncer mon talon aiguille dans l'œil, espèce d'enfoiré. Je compte bien que tu souffres autant que tu m'as fait souffrir. Vas-y, tu peux pleurer des rivières. Je ne me colle pas avec toi. Ne me quitte pas de Brel, c'est aussi une torch song. Pour le coup, il en parle des amours cramés. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Charline, oui, c'est aussi une torch song. Je savais pas J'attendais. Comment vous le dire. On va se quitter pour les vacances et je pensais peut-être une dernière fois, enfin une première, enfin bref. Les meilleurs écrits sont souvent issus d'un trauma. Vous avez les mains froides? Oui, mais vous avez les mains brûlantes. Nommer sa souffrance, c'est déjà l'externaliser. En faire un objet en dehors de soi, qu'on va dessiner, qu'on va peindre, auquel on va donner vie, qui peut même se transformer, et c'est le miracle de l'art. En objet de bonheur. Les artistes sont des alchimistes. Transformer le plomb en or, la souffrance en plaisir, les chansons de Sabine Paturel en torch song. C'est ça qu'on va écouter? Oui, on comme... y va, c'est parti. Comme Julien Doré. En fait, j'ai tout mangé le chocolat, j'ai tout fumé les cravenes. Ah, c'est une torch song. Son mec s'est barré, alors elle fait des bêtises, Sabine Paturel. Julie London, même combat. La parole guérit. Les chrétiens ont inventé la confession pour évacuer le mal avec des mots. Les juifs ont inventé la psychanalyse. Les médias ont inventé l'infotainment. C'est ce que vous faites tous les jours, mes chers amis. Surtout de l'info. On rigole avec ce qui fait mal. Alors Mathias, quelle idée d'appeler votre groupe Dionysos. Vous la connaissiez pourtant, la légende de ce dieu ressuscité. Dionysos, qu'on appelle aussi Diogonos, le dieu deux fois né. Fils de Zeus et de Silène, une mortelle, il subit les foudres de la jalouse Héra, qui tue sa maman, enceinte, obligeant Zeus à le sortir du ventre mort pour se le mettre dans la cuisse, histoire de finir sa gestation, d'où l'expression « être né de la cuisse de Jupiter ». Et ben Mathias Malzieu, il est né une seconde fois et de la cuisse de Jupiter. Une maladie rare du sang vous est envoyée par une déesse jalouse, maladie qui nécessite une greffe de moelle osseuse qu'on va trouver dans le cordon ombilical d'une Allemande conservée dans le froid pendant 15 ans. Et voilà votre livre. En attendant, vous aviez besoin du sang des autres. Vous voilà transformé en vampire, mais plutôt Twilight le vampire, romantique bien sûr, le vampire moderne, adulé des ados parce qu'il est comme eux, entre deux états, ni adulte ni enfant, ni vivant, ni mort. Le vampire romantique, Mathias Malzieu, organise une résistance poétique, et ça même Deleuze, il n'y avait pas pensé. La poésie sauve. Pas que des chagrins d'amour, elle peut sauver notre peau aussi, en éloignant Damoclès, l'épée transformée en dame, Damoclès, comme pour personnifier de manière sexy le danger. Ce gars est un alchimiste, je vous dis. Allez, on l'écoute, Vampire en pyjama. skateboarding sous morphine à la tombée de la nuit. Charlie Chaplin vole un vélib pour m'escorter à Belleville. Gainsbourg est de retour pour réparer les étoiles explosées sous mon crâne de nouveau-né. Entrez comme mes héros. Qu'est-ce que c'est beau de se faire sauver la vie à la tombée de la nuit. Oh mes héros, qu'est-ce que c'est beau de se faire sauver la vie à la tombée de la nuit. Oh capitaine, mon capitaine, le voyage n'est pas terminé. I'm your man, what with men, je suis libre comme des livres sauvés. Jim Slim répéto, c'est mon costume d'auto super héros. Un grand chapeau pour garder les rêves. Sauver la vie à la tombée de nuit. Oh mes héros, qu'est-ce que c'est beau de se faire sauver la vie à la tombée de la nuit. Sous la neige et sous la pluie, à la tombée de la nuit. Un policier me regardait passer. Un oiseau s'est posé au bout de son fusil et je me suis envolé. Dionysos, skateboarding sous morphine, un extrait du dernier album de Dionysos, Vampire en pyjama, que nous a conté André Manoukian devant Mathias Malzieux. Ça s'appelle une catharsis en fait, quand on transforme ses patients, ses souffrances en œuvre et que les autres les regardent et du coup qu'ils se guérissent. Parce que son livre s'y raconte cette histoire de maladie est étonnamment, extrêmement positif, joyeux et dynamique. Il vous fout la pêche, quoi. Journal d'un vampire en pyjama, paru chez Albin Michel. On est en compagnie de Mathias Malzieux et autour de la table, Alex. Et bien Pablo Mira, qui serre son nœud de cravate, car c'est le plus élégant aujourd'hui. Et Guillaume Meurice, oui, qui lui desserre son nœud de cravate pour nous faire sa chronique. Eh ben, je vais vous parler torture aujourd'hui. Hein, interdite dans les textes depuis les accords de Genève, qui s'y connaît en torture, hein, Genève d'ailleurs, il suffit d'avoir passé quelques heures là-bas pour avoir envie de s'arracher les ongles en écoutant du William Scheller, hein, qui est un peu la torture ultime. Mais des supplices, il y en a plein d'autres. Alors on connaît le supplice de la baignoire par exemple, hein, il est très connu celui-là, on oblige les gens à se laver, hein, ça marche très bien sur Michel Houellebecq par exemple, ça fait bien flipper. Supplice alors de l'empalement, supplice de l'empalement à base de pieux dans le rectum, hein, appelé aussi supplice Manuel Valls, hein, où le pieux est de dimension 49 sur 3. Alors évidemment je vous parle torture à cause de ce fameux sondage où l'on apprend que plus d'un Français sur deux trouve cette pratique légitime pour faire avouer un suspect. Je suis donc allé à la rencontre des Français ce matin. On commence avec une dame qui est contre la torture, mais qui préconise une autre solution pour faire parler les suspects. La peine de mort. Ah, directement. Oui, mais alors attendez, parce que pour le faire parler, la peine de mort, c'est pas pratique. Non, et ben, on le prend sur le fait, terminé, peine de mort. Mais si on veut le faire parler ? Faire parler, pourquoi ? Ils diront jamais rien. Oui, alors peut-être, hein, mais pendu au bout d'une corde ou avec une balle dans la nuque, c'est pas certain qu'ils soient plus loquaces, les mecs. Pourquoi elles pensent que ça sert à rien de faire parler les suspects ? Le Maghreb, l'Orient et tout, bon, bah, c'est des gens, c'est des menteurs. C'est une ethnique qui est assez vicieuse, qui est malsaine. Oh pétain. Une ethnique, carrément. C'est les menteurs à 200%. Oui, alors c'est sûr que vu comme ça, ça sert à rien, hein, de faire parler des menteurs. Il y a une certaine logique dans ce que dit cette dame. Une logique qui fait flipper, mais une logique quand même. Donc elles ont la classe dans la catégorie contre la torture. Alors il y a d'autres Français qui sont... Ah oui, ah, c'est logique. Oui, c'est... Ouais, oui. Alors il y a d'autres Français qui sont plus mitigés sur le sujet. Peut-être pas employer des choses trop violentes, mais il n'y a pas de cadeau à faire à ces gens-là non plus. Alors comment on fait une torture pas trop violente? On attend. Il dort pas, il mange pas beaucoup, et puis un jour il va craquer. Ça demandera un peu de temps. Voilà. Est-ce que vous êtes pour une torture douce? Oui, la torture, elle s'est toujours pratiquée depuis que le monde est monde. Voilà, une petite torture à la cool, hein, comme on dit, tu manges pas, tu dors pas. La torture sympatoche, hein, on va l'appeler. Mais j'ai envie de vous dire, ça vaut quand même pas une bonne vieille gégène, hein. Alors allons voir un autre Français. La gégène, oui, je suis pour. Ouais, c'est efficace, hein. Ah oui, mais oui, porte, bah, d'après ce que j'ai en compris... Ça fait réfléchir, disons. Ah, ça fait réfléchir la gégène. Oui, parce que les types qui ont une bonne décharge, ça laisse des traces. Vous seriez capable de pratiquer, d'être du côté de... Moi, personnellement, non. Non, c'est aux autres de le faire. Exactement. Alors là, on est quand même toujours dans l'humanisme. Hein. Alors d'une part, une défense de la gégène, mais uniquement, comme il dit, pour faire réfléchir. Hein, ça part quand même d'un bon sentiment. Et puis, il ne fait pas partie hein, du coup des 1%, des 1 Français sur 5, pardon, hein, toujours selon le sondage, qui serait capable de le pratiquer lui-même. Enfin, ça, c'est ce que je croyais avant qu'il m'en dise plus sur ce qu'il ferait. Comme en Afrique du Nord, je leur coupe les couilles. Ah oui. Ah vraiment? Ah oui. Comme ça, ils seront dévalorisés vis-à-vis des autres. Ils auront une telle honte qu'ils vont se suicider. Et ça leur fera comprendre qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et toc, j'ai envie de vous dire, hein, une fois que le gars sera bien suicidé, eh ben voilà, il a parfaitement le temps de se rendre compte qu'il ne faut pas recommencer. Le mec, ça c'est bien vu. Alors, le problème, si le on se rend compte... Le français est créatif. Ah voilà, ça, voilà, c'est, ça, dans la rue, c'est un petit panel. Alors le problème, c'est si on se rend compte après coup que le suspect n'est pas coupable. Hein, on se retrouve là avec un macabé émasculé quand même. Hein. Comment on fait s'il est innocent? Alors c'est ma question, ce monsieur a la réponse. On le découvrira. Ah bah oui, mais ça sera trop tard. Si, non, bah, après interrogation. On le regreffera. Oui. Voilà, ah bah voilà. Pour mieux être un macabé avec des testicules que sans testicules, ça me paraît évident. Bon, le gars n'aura pas les 72 vierges hein, parce qu'il est innocent, mais bon, une question d'esthétique quand même, ça passe mieux avec des testicules. Alors là, on est sur un coupage de couilles. Est-ce que cet autre monsieur est d'accord? Ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Même plus méchant, il faudrait le tailler doucement en pièces. C'est une torture chinoise du 18e siècle. On lui arrache au rasoir des lambeaux de peau. Et là, pour être certain qu'il barbe. Mais vous seriez capable de pratiquer cette torture-là? Je pense. C'est vrai? Ouais. Vu la manière dont il me regardait en me décrivant comment on arrache les lambeaux de peau, je le crois, ce monsieur, qui fait donc partie d'un Français sur 5 à potentiellement pratiquer la torture. Et lui, c'est pas du genre à s'emmerder avec la présomption d'innocence. De toute façon, si on l'attrape parce qu'on pense qu'il a attrapé une bombe, c'est que probablement il y a des forts soupçons, hein. Ah oui, mais des forts soupçons, ça fait pas de lui un coupable, tu sais. Bon, et alors parce qu'on a des forts soupçons, on va rien lui dire? Non, mais faut pas rigoler. Non, d'ailleurs, ça nous fait pas énormément rigoler, du coup, vu comment ces personnes parlent, sans même avoir besoin de les torturer. Merci, Guillaume. Mais là, on va poser la question par toute transparence. On en a entendu 4. Combien vous en avez interrogé? J'en ai interrogé 11, je crois. J'ai 11 pistes, ouais. Mais j'avais d'autres trucs qui sont de l'équivalent. Donc, il y en a quasiment 1 sur 2 dans la rue. En fait, ça respecte à peu près le sondage, en vrai. Ouais. Moi, je suis sûr que c'est lui qui imite que des vieux. Pablo Mira, qui est avec nous, qu'on entendra dans quelques instants. Juste après ce sujet numéro 2 avec Mathias Malzieu, justement. Les Français qui sont de moins en moins nombreux à condamner la torture. Et donc, depuis les attentats de novembre 2015. Et oui, donc ça se confirme, un Français sur deux ne rejette pas l'idée qu'on puisse torturer un suspect à l'électricité. Oui. Avant tout, ouais. Alors, vérifions tout de même ce sondage, encore une fois, hein, parce que là, c'est... Ouais. On vient de le vérifier, mais allez, encore une fois, avec un représentant de la France. Alors, la torture. Je suis pour... les bons jurés qui s'accommodent. Des règles prévues par le code. C'est plus après. Ne pourront jamais. Allez, Guillaume. Je connais le premier coup. Vous êtes toujours sur Nostalgie, il est 17h42. J'aurais ta tête en haut d'un main, il dit à un moment donné. Fabuleux. Mathias Malzieu, une réaction à ce que vous venez d'entendre chez Guillaume Meurice, qui sont donc, pas comme Pablo Mira le disait, posons des imitations, mais véritablement des gens. Question autrement, Mathias Malzieu, quelle torture pour vous? Oui. Ouais. Si je devais en garder qu'une, ce serait celle dans un vieux film avec Fernandel, où il a on lui met du sel sur les pieds et où il se fait lécher les pieds par une chèvre. C'est pas mal. Après les autres, je suis beaucoup moins d'accord quand même que les gens que vous avez interviewés. Celle-là éventuellement, mais parce qu'elle est cinématographique, mais dans la vraie vie, c'est fou parce que c'est tellement cruel que ça fait rire et on n'a pas l'impression que c'est vrai. Alors qu'on vous fait confiance, hein. C'était des vrais gens. Ouais. Mais il y a même un mec qui a nié le terrorisme. Il m'a dit le terrorisme, c'est un truc médiatique. Ça, je l'ai pas passé parce que c'était pas dans mon thème, mais on rencontre des gens fabuleux. Moi, je vous encourage à aller parler avec les gens. Ça donne envie, oui. Oui, d'aller à la rencontre des Français. Avec un petit dictaphone. Oui. C'est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture qui a mis en lumière cette tolérance croissante de l'opinion publique française à l'égard de la pratique de la torture d'État, d'après un sondage Ipsos. Alors, on a compris que vous étiez pour la torture, hein, Mathias Malzieu. Mais alors là, le terrorisme est en train de modifier les mentalités. Ou alors les gens étaient peut-être déjà comme ça pour la torture, je ne sais pas. Mais est-ce que vous sentez que ça ne va pas tout à fait dans le bon sens ? Il y a une petite banalisation du mal quand même, d'une manière générale, sur, sur tout ce qui est extrême. On le voit, même au niveau des jeunes, j'ai l'impression qu'il y a une dizaine d'années, par exemple le Front National, c'était même pas être engagé politiquement que dire le Front National, on rejette. Maintenant... Ah oui, quoi, pourquoi ? Enfin, ça se discute plus. Et donc, il y a une banalisation pour moi des idées les pires. Et ça, c'en est peut-être un des reflets. Le fameux mot décomplexé s'applique à tout, même à la torture. Maintenant, on peut dire qu'on est pour de façon décomplexée. Peut-être. Après, il ne faut pas s'avouer vaincu. Hein. Je pense qu'on est voilà, des émissions comme aujourd'hui. Et justement, en rire et le dénoncer va sûrement donner aussi à plein de gens de se mobiliser contre ces choses-là. Ah, c'est une émission qui dénonce. Bien sûr. Ça, bah, je pense qu'on est quand même là pour ça. Et puis ça crée des emplois de bourreaux aussi. Hein. Faut voir le bon côté des choses. Il faut pas. Il y a un savoir-faire qui s'est perdu. Il y a quand même tous ces gens qui croient qu'ils sont sur Nostalgie alors qu'ils écoutent France Inter. André Manoukian. C'est en pratiquant la torture chinoise de d'enlever la peau et de laisser la personne le plus vivant possible que les Chinois ont inventé l'acupuncture. Et le jazz. Donc ça donne du bon. Ça c'est dégueulasse. Et alors, c'est 54% des Français qui considèrent comme justifié qu'un policier envoie des décharges électriques sur une personne soupçonnée d'avoir posé une bombe. Et vous aviez raison, il y a une forme de corrélation dans le sondage qui est un peu plus fin encore, qui explique que cette tolérance pour la torture est encore plus forte chez les sympathisants Front National. Elle est très très faible chez les sympathisants PS, alors que c'est ils sont torturés eux-mêmes. C'est l'autoflagellation déjà. Ils savent de quoi ils parlent. Et le coup de bottin, c'est continuant, c'est juste pour aider un peu à l'élocution. Le coup de bottin ? Oui, le coup de bottin dans la tête. Pour la torture. C'est de la générosité. C'est de la générosité. C'est de l'élan. Peut-être, est-ce que vous avez connu dans vos entourages, je sais pas, des grands-parents résistants, etc., qui ont été. Qui ont subi la torture et qui voulaient. J'en ai une dans mon grenier, j'ai une jajane dans mon grenier, papa. Alors, quand j'étais gosse, je jouais avec le chat. Ah, mais j'avais une famille qui gardait des résistants. Caché à un moment donné à la frontière allemande, mais j'ai pas vraiment d'histoire de torture. Oh, pour y faire un effort. Moi, j'ai un père qui roulait en Lada, mais c'est assez proche. C'est torture infantile déjà. Ça. Voilà. Alors, on terminera sur ce sujet en rappelant qu'un rapport du Sénat américain qui a été rendu en 2014 avait conclu que les informations qui étaient obtenues sous la torture n'avaient jamais été utiles pour lutter contre le terrorisme. Et bim, on a envie de dire. C'est une émission qui dénonce. Mais bien sûr. Bien sûr. Passons à la manifestation anti-loi travail d'ailleurs, qui est prévue demain à Paris. Manifestation maintenue puis interdite, puis finalement remaintenue par la préfecture. Pour nous en parler, je laisse le micro à Pablo Mira. Merci Charline, et je commencerai par une question objective. Est-ce qu'on doit laisser ces misérables anarcho-criminello-gauchistes de la CGT semer le chaos et détruire les rues de Paris, piller les commerces, écorcher les enfants et violer les femmes enceintes, comme on a pu le voir ces dernières semaines ? Ma réponse, c'est non. Et preuve de la dangerosité de ces personnes, on a Philippe Martinez, le leader de la CGT. Eh bien, vous savez ce qu'il a déclaré cette semaine ? Il a dit que manifester était un droit fondamental. De toute évidence, on a donc affaire à des fondamentalistes. Et pour moi, Charline, la réponse au fondamentalisme, c'est la force. Le gouvernement doit montrer qu'il est plus fort que les gauchistes. S'il y a 500 000 manifestants dans les rues, Cazeneuve doit envoyer 1 million de CRS. Si les manifestants cassent les vitres d'un hôpital pour enfants, l'État doit le raser. Et puis, franchement, Charline, c'est pas le moment de manifester. C'est pas le moment. C'est l'état d'urgence. Donc les policiers doivent surveiller les terroristes. 2, c'est l'euro. Donc les policiers doivent surveiller les hooligans. Non, franchement, la seule façon de surveiller tout le monde, c'est que la CGT manifeste dans une fan zone avec les kamikazes. c'est même Bernard Cazeneuve qui le dit. Les policiers sont fatigués. Ils sont à bout, voilà. Et c'est ça, parfois, être un citoyen responsable. C'est savoir accorder du répit à un CRS qui passe ses journées à viser votre visage avec son flashball. Le pire avec toute cette violence entre syndicats et CRS, je vais vous dire, c'est qu'elle est absurde. Parce qu'un syndicaliste, au fond, c'est juste quelqu'un qui n'a pas pu devenir CRS à cause de sa moyenne en EPS, quand on y réfléchit. C'est simple, avec tout ça, Charlie, je vous le dis, la France va mal. La France est à terre. Or, on fait pas comme la CGT, on frappe pas un homme à terre. On fait comme mes parents m'ont appris, on passe à côté en faisant semblant de ne rien voir. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, c'est pas le moment de défiler dans la rue. Et puis, il y a le problème des casseurs. Il y a quelques jours, on a des voyous qui ont cassé l'hôpital Necker, un hôpital pour enfants. Désolé, mais on détruit pas un hôpital avec des barres de fer ou des pavés. On fait comme le gouvernement, on le détruit avec des coupes budgétaires. Et après un hôpital pour enfants, je veux dire, on va s'attaquer à quoi comme autre lieu sacré? Une église? Un cimetière? Ou pire, un Apple Store? Car vous savez, chers auditeurs, au fond, quand je vois tout ça, tout ce bazar, je me demande, mais quel spectacle on montre à nos enfants? Quel spectacle? Personnellement, je suis scandalisé. Hein, quand mon fils tombe sur des images violentes prises de manif, c'est simple, j'éteins la télé et je le mets au calme devant un épisode de Game of Thrones. Pour conclure, Charline, j'aimerais m'adresser directement aux syndicats. S'il vous plaît, messieurs les syndicats, ne manifestez pas. Au moins jusqu'à la fin de l'état d'urgence, qui, je l'espère, voilà, sera éternel. Ne manifestez pas. Et ça, je vous le demande pour le bien de tous, sauf peut-être celui des 28 millions de salariés en France. Pablo Bravo. Mira, merci Pablo. Je rappelle qu'on pourra revoir évidemment cette chronique comme celle d'André Manoukian sur France Inter. Et sur le mur de la CGT, sur le Facebook. Pour le poster. Et puis, vous pouvez voir cette émission en streaming. En streaming, oui, streaming, en streaming, yes, sur franceinter.fr. Émission pédagogique. Parce que hashtag annule tout, on dit je me retrouve à devoir expliquer ce qu'est un bottin à mes enfants dans la voiture à cause d'Alex Vizorek. Et voilà, on apprend voilà, des c'est choses. C'est l'utilité publique avec notre invité Mathias Malzieux qui est en tournée en juillet par exemple. Le 16 juillet avec Rover, vous serez au Franco à La Rochelle. Et puis vous serez le 23 juillet encore avec Philippe Catherine et Guédré à Perpignan au festival Live au Campo. Ça va pas être triste. Et le 27 juin au Nuit de Fourvière à Lyon avec Philippe Catherine. Et puis à Marseille vendredi, c'est ça, ouais, Mathias Malzieux? Voilà. On va aborder le troisième sujet avec vous. Un match de l'Euro a été diffusé à la Philharmonie de Paris hier soir, avec deux orchestres en guise de commentateurs. La musique illustrait les actions sur le terrain, ce qui a donné l'envie aux supporters de rehausser la qualité des hymnes de leur équipe. Alors moi, j'ai été ça sous papier, mais il faudra sûrement demander de l'aide quoi, à Jean-Jacques Goldman ou à Christophe Maé. Je crois qu'il y a une idée. Oh Monaco, oh Monaco, chez toi il fait toujours chaud. Oh Monaco, ton rocher est le plus beau. Oh Monaco, on te retrouve aussi au bistrot. C'était du mi bémol, ça, hein, André Manoukian. Non, c'était des notes qui n'existaient D'accord. pas. C'était Jean-Paul Roux dans Les Tuches. Voilà, donc ça s'est passé hier à la Philharmonie pendant un match de l'Euro. C'était Croatie. Espagne. Ah, voilà, c'est ça. Oui, ils ont hésité avec Le Havre-Lorient, mais ils n'ont pas fait ça. Et donc les actions du match étaient commentées par deux orchestres qui pouvaient passer du classique à Stromae, par exemple. Il y avait des reportages matin dans les matinales. C'était vraiment incroyable. Ça décuple l'émotion, mais même si on n'avait pas l'image par la radio avec les reportages matin, c'était incroyable. Vous aviez soupçonné, vous, qui aimez beaucoup le football, Mathias Malzieux, ce lien entre foot et musique. Est-ce que vous sentiez ce potentiel? Ah bah, oui, enfin, je n'avais pas eu cette idée-là du tout, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a de la dramaturgie, c'est ça qui est bien dans un match de foot, qu'on aime le foot ou pas, qui est quand il y a du suspense, des retournements de situation. On voit que dans un film, quand on met de la musique sur un film, ça augmente la tension, le climat. Mm-hmm. Donc ça doit effectivement très bien marcher avec un bon match de foot. Ouais. Oui, d'ailleurs, on m'a dit que France Musique rachète les droits de la Champions League pour la semaine prochaine. Je peux vous dire que ça va être quelque chose. Finalement, oui, le foot, et c'est aussi une forme de chorégraphie. Donc, il y a un ballet qui se déroule sur le terrain pendant la musique. Je me rappelle d'un documentaire sur France-Allemagne 82, où ils avaient remis des images, pareil, avec de la musique classique. Et ça faisait un bon western, hein. Ça marchait très très bien. Mais André, vous qui improvisez musicalement, est-ce que c'est jouable ça? Mais pas que musicalement. Oui, chroniquement aussi. Alors à mon avis, ça a dû être préparé parce qu'on peut pas demander à un orchestre symphonique d'improviser ensemble. Donc ils ont dû préparer des séquences et j'imagine qu'il y avait une certaine fluidité qui leur permettait. Mais le point commun, en tout cas, entre un symphonique et un match de foot, bah c'est quelque chose, c'est l'épique quoi. C'est quelque chose d'épique, c'est des mouvements de foule qui vous mettent le frisson et à ce moment-là, après tout. Je veux dire, quand on écoute la musique de Wagner, on a vachement envie d'envahir l'Allemagne, comme disait Woody Allen. La Pologne, comme disait Woody Allen. Mais le foot et cette tragédie qui se passe à 11 avec un esprit collectif, enfin, c'est au moins un grand mythe wagnérien, c'est sûr. Ah oui. Et par exemple, un but des Bleus, ça vous évoquerait quelle musique? Qu'est-ce que vous verriez là-dessus? Du zouk. Ça se tente. C'est pas épique. Bonne intervention de Pablo Vira. C'est au fond des filets. C'est difficile de. Oui, c'est un petit peu difficile. De conclure derrière, mais. Ça vous amuserait par exemple de faire ça parce qu'un gars comme M, par exemple, parfois il improvise à la guitare électrique. Si il l'a fait pour le film, je crois, de Guillaume Canet. Est-ce que vous, si on vous mettait le match de foot, je vais bosser un peu de zouk au ukulélé et je vais m'y mettre pour les huitièmes de finale. Par contre, le foot, ça a été un thème de chanson chez vous, non? Ah oui, fan de foot. Ouais, bien sûr. Et ça s'y prête parce que ça paraît pas évident que le thème du foot se prête à une chanson. Bah, c'est plus des personnages. C'est toujours pareil. C'est des héros. C'est des gens qui ont déclenché l'adrénaline. Moi, le truc, par exemple, je suis allé voir France-Roumanie avec Rico, le batteur du groupe. C'est vrai qu'on avait un peu 4 ans et demi. Quand Payet a marqué le but à la dernière minute, c'est une décharge d'adrénaline. Après on reprend la vie normale 3 minutes plus tard. Mais sur le moment, c'est des moments d'adrénaline complètement fous, avec tout le monde qui crie d'un coup. Et c'est joyeux à vivre. Vous aviez aimé la chanson « On est champions, on est tous ensemble ». J'avais aussi envie de la reprendre au ukulélé, mais j'ai encore un peu hésité, j'ai pris mon temps. Vous allez encore suivre des matchs dans les stades, vous, Mathias Malzieu? Dans les stades, je ne sais pas si j'aurai l'occasion, mais, mais en tout cas, ouais, je suis à fond l'euro, quoi, c'est sûr. J'ai même fait ce petit plaisir régressif de m'acheter le truc Panini, de coller les trucs. Si j'avais su, j'aurais fait. Je cherche un camarade. Je me sens un peu seul autour de cette table. J'ai des doubles de l'équipe de Pologne dont je me fous un peu. Je peux commencer. Ouais. Voilà. Bon, comme je me sens un petit peu isolé, je pense qu'on peut passer à une séquence qui s'appelle le sketch. Ah, Mathias Malzieu, je vous donne un rôle qui va vous plaire. Vous aimez le foot, vous êtes Zlatan. Et puis c'est tout. Ah, on est dans le vestiaire suédois. Il fait pas son dernier match ce soir? Si, oui, a priori c'est le dernier vu qu'il va jouer contre la Belgique. Donc, je peux vous dire. Et on va voir comment ça se passe. Charline et moi, on est dans le vestiaire belge. Mathias Malzieu avec Guillaume Meurice dans le vestiaire suédois. Dans le vestiaire suédois. Qu'est-ce qu'on a comme tactique contre les Belges? Zlatan. Non, je sais que tu t'appelles Zlatan. Moi, je te demande la tactique. Zlatan. Ouais, mais ça va suffire contre les Belges? Seul Dieu sait ce qui va se passer, tu es en train de lui parler. Ah, si on ne croit pas en Dieu. Ah, tu vas commencer sur le banc. Pardon, s'il vous plaît, non, je crois en vous, non. Moi, en votre coiffeur, mais en vous, oui, Zlatan. Un seul Dieu, c'est mieux que 11 diables rouges. Pendant ce temps-là, dans le vestiaire belge. Est-ce qu'on est prêt pour l'échauffement ici? Bien sûr, on a fait livrer une vingtaine de fûts de bière ce matin, oh, c'est bon. Super, et il y a une tactique particulière pour la préparer, la Mais Suède? Mais ouais, tiens, on a acheté des Crisp Rolls. Oh oui, d'accord. Ouais. Tu les trempes dans la bière et ça les ramollit. Ouais, si avec ça on les prend pas, tu sais. Zlatan, tu considères qu'il est mis en bière. Ouais, et pourra utiliser sa Volvo comme corbillard. Hein. Dans le vestiaire suédois. Bon alors, on fait quoi? On joue 4-3, 4-4-2? On passe la balle à Zlatan. Ouais, d'accord. T'as pas peur que les Belges aient anticipé cette stratégie? On n'anticipe pas Zlatan. Il n'y a qu'une seule personne qui anticipe Zlatan. Oui, je sais, c'est Zlatan. Et comment tu sais? Et voilà, je vous ai anticipé, Zlatan. Et toi, tu commences sur le banc. Ah non. Dans le vestiaire belge. Ouais. Et je m'inquiète quand même d'un truc. Hein. Est-ce qu'on a tout prévu pour la troisième mi-temps? Aïe, on pourrait peut-être commencer déjà maintenant. Comme ça, on pourra pas dire qu'on n'est pas encore dans le match. Ouais, on dira qu'on était déjà après le match. Oh, ouais. On toque à la porte. Bonjour, monsieur. Hey, c'est Zlatan. Qu'est-ce que tu fous, là, grand? Bah, je suis venu vous dire adieu. Tu dis ça va à personne, ce catogone. Mathias Malzieu, Zlatan, c'est un héros. C'est de ces héros dont vous pourriez faire une chanson, vous nous en parliez tout à l'heure. Ah oui, parce qu'il est charismatique, il peut être désagréable, mais il dépasse les bornes tout le temps. Donc c'est un bon personnage d'histoire de toute façon, parce que tout est exagéré chez lui, et en même temps il fabrique du spectacle. Donc il est marrant. Moi je suis sûr qu'il y a du 9e degré chez Zlatan. Oui, est-ce qu'il est plus marrant que Guillaume Meurice et Pablo Mira et Alexis Zeko? Mais là il y a eu un truc génial, il y a eu un club allemand de division 2 qui a fait quand même une proposition avec un tout petit budget pour lui, mais par contre de passer la ville en royauté, d'appeler le stade Empereur Zlatan, de mettre un jacuzzi dans les loges, enfin des trucs, une création. Je sais pas s'il a eu l'humour de répondre, mais en tout cas, ça m'avait beaucoup plu. Ou l'arrogance, on ne sait pas très très bien avec Zlatan, on est jamais. Il l'aimera. Ouais. En tout cas, ce soir, c'est son dernier match, je vous l'annonce. Je me mouille. C'est possible. Il y a un prono là ce soir, par exemple. Je sais pas, 6 ou 7-0, à mon avis. Moi, je pense qu'il va y avoir un but de Zlatan. Bon, 6-1, alors voilà. Mathias Malzieu. Contre son corps pour la Belgique. Mathias Malzieu est toujours dans son personnage. Mathias Malzieu, merci. On peut vous retrouver donc en merci concert. Vendredi, vous serez à Marseille. Et le 27 juin, aux Nuits de Fourvière à Lyon, avec Philippe Catherine. Et puis le 8 juillet, par exemple, avec Rover à Albi, au festival Pause Guitare. Puis il y a des dates, je vois le 2 novembre à Toulouse, le 8 novembre à Vierzon. Vous serez aussi le 9 novembre au Mans, au festival Bebop. Merci à tous autour de cette table. Merci André Manoukian, Pablo Mira, Guillaume Meurice. Rappelez-moi votre nom. Vite avec moi, c'est les brèves. D'accord, très très bien. Merci à tous. On va se retrouver demain avec Ibrahim Malouf. Et le mot de la fin aux Français qui sont pour la torture. En tout cas, hein, ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.